connaissez-vous l'Empire du Ghana ? Pendant longtemps, les Européens ont été persuadés que l'histoire de l'Afrique se limitait à une succession de clans et de tribus qui se seraient fait la guerre pendant des siècles et des siècles. La vérité, c'est que l'histoire du continent africain est aussi riche et aussi complexe que l'histoire de l'Europe ou de l'Asie. Aujourd'hui, je vous parlerai de l'Empire du Ghana, qui a connu son apogée au XIe siècle et dont le centre se trouvait dans la zone frontalière actuelle entre le Mali et la Mauritanie. Ce fut le premier des trois grands empires qui ont marqué la période impériale ouest-africaine. Selon la tradition orale, des hommes armés venus de l'Est auraient fondé ce royaume au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais selon les sources médiévales, rédigées par des chroniqueurs arabophones, notamment celle de l'historien Al-Bakri, ce n'est qu'au IIIe siècle après Jésus-Christ que les Soninkés, un peuple animiste vivant à la limite sud du Sahara, auraient édifié un petit royaume appelé Ouagadou, situé entre le Sénégal et le Niger. Au IXe siècle, le souverain du Ouagadou accueillit des marchands musulmans attirés par l'or que les mines locales produisaient en abondance. Ce sont ces marchands musulmans qui nommèrent ce royaume le Ghana, du nom du titre que portaient les rois et qui signifiait « chef de guerre ». Grâce à l'intensification de ces échanges, l'Empire du Ghana connut un rapide enrichissement et s'étendit progressivement pour dominer la vallée du Sénégal et la plus grande partie du delta intérieur du Niger. Cette prospérité permit aussi à l'empereur du Ghana de concentrer les pouvoirs religieux, militaires et judiciaires. La société sur laquelle il régnait comportait trois couches sociales, les nobles, commerçants, agriculteurs, aristocrates, les hommes de caste, les artisans, les griots et les esclaves. Il s'agissait généralement d'anciens ennemis, vaincus, ayant échappé à la mort. Outre l'exploitation des mines d'or et de fer, l'Empire du Ghana tirait ses ressources de l'agriculture et de l'élevage. Il s'est enrichi également grâce au commerce des métaux précieux, des peaux, des céréales et des esclaves. Au XIe siècle, Kubi Salé, la capitale de l'Empire du Ghana, située au sud de l'actuelle Mauritanie, comptait 20 000 habitants répartis entre la communauté musulmane et les Soninkés de croyances animistes. L'une des originalités de l'Empire du Ghana tenait à la façon dont le pouvoir se transmettait de génération en génération. La tradition accordait une réelle place aux femmes, puisque la succession se faisait de manière matrilinéaire, le successeur du monarque étant toujours le premier fils de sa sœur. L'opulence de cet empire attira rapidement les convoitises de ses voisins musulmans. Dès 1042, les Almoravides, des berbères convertis à l'islam, entreprirent la conquête du Ouagadou. Toutefois, c'est la sécheresse liée à une exploitation intensive des ressources forestières qui conduisit à la progressive dispersion des Soninkés et à l'agonie du royaume. Il perdit définitivement son indépendance après 1240, suite à son intégration dans l'Empire du Mali, dont je vous reparlerai dans une autre chronique.